Rappel ventre vide. Leçon numéro 1. Rappé le ventre vide. Grosse exclu, nouveau Kekra, Tiexon. Son bébé dans le Tiexon. Pour ceux qui ont déjà vu Kekra en show, surtout cet été, il le joue sur scène, ce track. Son bébé dans le Tiexon. Son bébé dans le Tiexon. Mais voilà l'audio, le vrai. Le rap tout éclaté, j'en fais ma maison. L'étalé du quartier. Raison. Hors de question que je relâche la pression. Le jour du riff pour la smoking session. Direction le double et le temps d'un pilon. Au revoir le son si je prends le million. Fini la bibi si je prends le million. Je refais la famille si je prends le million. C'est mon destin, tu ne peux pas le changer. Je pèse le rap petit qu'on va te branler. Sans vouloir te offenser. On dit pas, je suis lancé, lancé, j'aime pas le rap français. Bébé dans le Tiexon, surveille dans le Tiexon. Sa bébé dans le Tiexon, surveille dans le Tiexon. Sa bébé dans le Tiexon, surveille dans le Tiexon. Le rap tout éclate, j'en fais ma maison. Sa bébé dans le Tiexon, surveille dans le Tiexon. Sa bébé dans le Tiexon, surveille dans le Tiexon. Sa bébé dans le Tiexon, surveille dans le Tiexon. Ne sois pas vexé. Et roule un joint de Disney. Ça me parle pas, désolé. Pour vraiment aucun respect, je n'ai. Je les mange déjà tous au déjeuner. Perce sur le ferronné. Tellement de méca que t'as refait ton nez. T'as pour carte ta mif de changer de zombie. Devant le regard, tu t'as dénoncé. T'as garonné le moral défoncé. La vocale me répète de renoncer. Bébé dans le Tiexon, surveille dans le Tiexon. Sa bébé dans le Tiexon, surveille dans le Tiexon. Sa bébé dans le Tiexon, surveille dans le Tiexon. Le rap tout éclate, j'en fais ma maison. Sa bébé dans le Tiexon, surveille dans le Tiexon. Sa bébé dans le Tiexon, surveille dans le Tiexon. Sa bébé dans le Tiexon, surveille dans le Tiexon. Le rap tout éclate, j'en fais ma maison. Alors, tu t'es pas de ma maison. Alors, tu t'es pas de ma maison.